Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du podcast Auto, émission du 29 août 2014. Luc Desormeaux au micro et aujourd'hui, je vole en solo, non pas parce que j'ai plus d'amis, mais parce que bon, on a eu des petits problèmes d'enregistrement à la dernière émission pour notre ami Martin Sagala. On était supposé faire notre spécial Volkswagen Beetle. Et puis, bon, comble du malheur, Martin ne réussissait pas à se connecter sur Skype, donc il a fallu qu'il désinstalle et réinstalle. On avait passé notre temps alloué pour l'enregistrement. Donc, on va recommencer ça dans une des prochaines semaines, là. Dans probablement la semaine prochaine et peut-être même dans la semaine qui vont suivre. On va parler avec Simon-Pierre Rioux de l'AVEC de voitures électriques. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde de la voiture électrique ces temps-ci. Je vais en parler un peu en début d'émission là, parce que je vais vous parler un peu de certaines nouvelles qui sont sorties, qui sont quand même assez intéressantes. Puis après ça, ben, je vais vous faire mon essai, je vais vous parler de mon essai de la Dodge Dart 2014, la Dodge Dart qui est la petite voiture de chez Dodge. Donc, on va commencer par certaines nouvelles. On va commencer par une voiture qui m'intéresse grandement et ça intéresse peut-être grandement aussi certains d'entre vous. C'est la prochaine Mazda MX-5, donc celle qu'on appelle la Miata, la version 2015 qui va maintenant rejoindre la famille Skyactiv chez Mazda. Là. Donc, si on regarde, Mazda a commencé avec le moteur Skyactiv dans la Mazda 3 dans le modèle 2012. Après ça, ils nous ont présenté le Mazda CX-5 qui remplaçait le Mazda Tribute, qui est comme le Ford Escape, qui est leur VUS, qui était le premier véhicule à vraiment prendre toutes les technologies Skyactiv, moteur, transmission, châssis et aussi bon le design Kodo, ce que Mazda appelle la fluidité du mouvement. Après ça, on a eu le droit à la Mazda 6 qui reprend les mêmes lignes et puis maintenant la Mazda 3. Donc là, la toute dernière à avoir cette modification-là, ça va être la Mazda Miata. Elle va être présentée le 3 septembre, donc la semaine prochaine. Moi, c'est quelque chose que j'attends vraiment avec impatience. C'est vraiment une magnifique petite voiture. Pour l'avoir conduit l'année passée, l'été passé, là, la MX-5, c'est vraiment une voiture qui est amusante à conduire. C'est vraiment une belle expérience. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec bon un moteur peut-être un petit peu plus puissant, peut-être une meilleure tenue de route aussi, un châssis complètement nouveau et des nouvelles technologies. Là, donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, on va garder l'œil ouvert pour ça le 3 septembre prochain. On en reparlera un coup, ça sera présenté. Aussi, ben vous connaissez mon amour pour la Mustang si vous écoutez le podcast depuis un bout de temps. Les premières Mustang ont commencé à être produites à l'usine de Flat Rock au Michigan. Donc, Ford a fermé l'ancienne production de la Mustang 2014 pour maintenant produire la 2015. On a l'impression que les premières Mustang vont être livrées chez les concessionnaires au mois d'octobre, probablement début octobre. Moi, j'ai entendu dire aussi que les flottes de presse recevraient aussi les Mustangs probablement au mois d'octobre. Donc, je ne m'attends toujours pas à pouvoir l'essayer cette année, mais au pire, au printemps prochain, je vais travailler fort pour mettre la main dessus. Comme j'ai déjà parlé, là, j'ai pu m'asseoir dedans au Salon de l'Auto de Montréal plus d'une fois. Et puis, c'est vraiment un gros pas en avant pour l'intérieur. L'extérieur aussi, c'est une belle évolution. J'ai hâte de la voir sur la route, plus que dans un salon où la voiture est toujours magnifiquement nettoyée, dans une couleur qui normalement la met en évidence. Mais j'ai hâte de voir ça sur la route, ce que ça va donner. Et surtout, j'ai vraiment hâte de la conduire. Il y a plein de rumeurs qui disent qu'il va être un petit peu moins économe d'essence que les modèles sortants. On verra ça dans le temps comme dans le temps. On verra ça quand ça va vraiment sortir. Puis pour la première fois aussi, la Mustang va être disponible en conduite à droite. Donc, elle va se vendre en Europe, même dans les pays où la conduite se fait à droite. Donc, en Angleterre, en Afrique du Sud, en Australie, des choses comme ça. Donc, ça va être disponible là-bas. Le prix de départ, là, c'est 23 600 $ US, donc à peu près 25 000 Canadiens. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Ça va être le modèle de base qui va être avec le V6 de 300 chevaux. Puis on en reparlera encore quand ça va sortir. Là, il y a des modèles aussi Shelby qui sont en production, dont une GT350. Si vous cherchez un peu sur Internet, il y a une vidéo de la GT350 qui s'amuse sur la piste du Nürburgring en Allemagne. Ça a l'air assez intéressant, même qu'il y a une vidéo où on voit le pilote qui perd le contrôle de la voiture. Il l'a pas quand même pas endommagé, mais il a quand même perdu le contrôle. Ça a l'air d'être encore une bonne bête qui va être moyennement facile à maîtriser. On verra ça quand ça sera sorti. Si on regarde aussi dans les bêtes de puissance, on avait, ça faisait un bout de temps que c'était une rumeur, là. Dodge qui a annoncé le Dodge Challenger L4. Et puis là, tout le monde disait, Will Challenger, c'est bien beau. C'est une voiture deux portes, elle est pesante, elle est grosse. C'est pas la plus dynamique des muscle cars ou des pony cars sur le marché, là. La Mustang et la Camaro ont le dessus sur le Challenger, mais ce qu'on a décidé de faire, c'est mettre 707 chevaux et 650 livres-pieds de couple dans le Challenger. Et là, tout le monde se disait, à quand la même chose pour le Charger? Eh bien, c'est fait, c'est annoncé. Chrysler ou Dodge va produire le Charger SRT L4 2015, donc 707 chevaux, 650 livres-pieds de coupe dans une berline 4 portes. Ça va être quelque chose. Ça va être, selon Chrysler, la berline la plus rapide et la plus puissante au monde. Donc, il y a probablement des Mercedes et des BMW de ce monde qui vont rajuster un peu leur flûte puis qui vont nous sortir quelque chose d'un peu plus puissant encore. Mais bon, on parle là, du 0 à 100 000 à l'heure en moins de 13 secondes. Là, on parle du 0 à 100 km/h en 3 points quelques. Là. Ça va décoiffer pour une berline. C'est propulsé là, par un V8 de 6,2 litres. Ça va travailler, ça va être quand même assez bien. Puis c'est sûr qu'il y a un supercharger là-dedans, là. C'est un compresseur volumétrique, c'est pas simplement le moteur. On a rajouté un peu de oomph. Ça va être très bien. Il y a quelques photos de sortie. Ça, à première vue, ça n'a pas l'air si méchant que ça. Bon, c'est le nouveau modèle, donc les phares avant ont été changés, sont plus petits, plus profilés, un peu comme on a fait avec la Mustang. Un peu comme la Dart aussi, là, dont je vais vous parler plus tard. Donc, c'est très joli comme voiture. Puis, ça n'aurait pas l'air si méchant que ça à une lumière rouge ou sur un coin de rue, là, mais ça va avoir de la puissance. Donc, j'ai hâte de voir ça sur la route. Je ne suis pas certain que je vais être capable de mettre la main là-dessus, même si je vais essayer fort, mais ça va être très, très limité d'après moi. Fait que je mettrai pas mes rêves trop haut pour celle-là. Si on regarde aussi... Bon, chez Chevrolet, la Corvette, on a annoncé la Corvette Z06. Ça va être une voiture qui va être plus puissante. Puis pour le prix, là, on parle de 78 000 $ pour ce que ça va être. Ça va être quand même assez puissant. Puis c'est pas nécessairement cher côté prix. Puissance, là, ça va vraiment être ce qu'on appelle un deal. Ça va vraiment être quelque chose de très, très intéressant. C'est ça. Ça part à 78 995 $ la Z06. Chevrolet disent qu'ils ne feront pas de ZR1. Donc, ça va être la version la plus puissante de la Corvette qui va être disponible. Ça, c'est la 78 995, c'est pour le modèle coupé. Puis le convertible va être à 83 995. Là. On parle de 650 chevaux, 650 livres-pieds de couple. Donc, ça vient jouer dans la talle de la Dodge Viper, ces choses-là, qui est presque le double du prix. La Corvette qui fait très bien depuis qu'elle est sortie, est primée partout. Elle a gagné voiture de sport de l'année. Je pense du guide de l'auto ou de la JAC. Donc, ça gagne des prix. Tous les chroniqueurs automobiles que j'entends qui ont essayé la voiture ont vraiment aimé cette voiture-là. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est un gros succès pour Chevrolet. Ça aussi, ça va être difficile à mettre la main dessus cette année. Peut-être l'année prochaine, à ce que j'entends dire, celle qui est sur la route cette année pour la presse a déjà dépassé le kilométrage limite qu'ils mettent sur une voiture. Donc, les chances que je puisse l'essayer sont excessivement minces. Donc, on va laisser un peu les voitures hyper puissantes. On va parler un petit peu de voitures électriques. Il y a trois nouvelles qui sont sorties sur les voitures électriques. Premièrement, si on reste là, chez GM, GM a annoncé la prochaine version de la Chevrolet Volt qui va être un modèle 2016. Ça devrait être présenté au salon de Détroit du mois de janvier prochain, donc de Détroit en 2015, pour être en vente probablement, j'imagine, fin 2015 ou début 2016. Bon, il y a une photo qui est sortie. On voit vraiment pas grand-chose. On voit l'arrière de la voiture, puis le coffre avec un petit aileron qui a l'air intégré, un peu différent, un peu plus arrondi que ce que la Volt a présentement. On dit que ça va ressembler un peu plus à une berline régulière, quoique moi, j'adore le look de la Volt qui est présentement. Donc, j'aimerais ça qu'il reste un peu collé à ce look-là. Mais bon, j'ai l'impression que ça va changer un peu. Il y a des rumeurs aussi qu'au lieu d'être une voiture à 4 places, ça va être une voiture à 5 places. Puis là, on parle d'une autonomie plus grande. Donc, on parle de, au lieu de 60, 70 km, 75 km d'autonomie, là, on parlerait de 80 à 96 km d'autonomie. Chevrolet peut probablement faire mieux aussi que ça. On verra ce que ça va donner. Donc, c'est ça. Puis on parle de peut-être une deuxième variante de la Volt qui serait moins chère, puis la Volt présente qui resterait avec une autonomie plus grande, donc 80 à 96 km. L'autre, peut-être qu'elle garderait l'autonomie que la Volt a présentement. Donc, on ne sait pas trop. Parce que Chevrolet aimerait ça présenter une Volt ou un modèle similaire à la Volt à peu près 30 000 $. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Bon, la Volt a fait son petit bout de chemin. Elle est primée. Les propriétaires l'adorent. C'est une voiture qui est quand même très confortable, très très le fun, très pratique à conduire. Je l'ai conduit il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais vous en parler dans ma série sur les voitures électriques. Là. Ça va commencer, si vous lisez mes articles sur Kijiji, ça va commencer bientôt. La semaine prochaine, je vais vous présenter un article sur qu'est-ce que ça prend quand on décide de s'acheter une voiture électrique, l'équipement, les applications, tablettes et choses comme ça pour nous aider à planifier nos déplacements et tout ça. Puis après ça, je commence avec une série d'articles sur les voitures électriques. Je vais le faire aussi sur le podcast. Donc, j'ai eu la chance d'essayer la Ford Focus électrique, la Chevrolet Spark électrique qui est très difficile à avoir au Canada, la Volt. Et cette semaine, là, dans mon entrée, faut que je retourne la Spark électrique que j'ai encore, mais j'ai une Nissan Leaf aussi que j'ai depuis le début de la semaine, puis que je vais avoir aussi jusqu'à jeudi de la semaine prochaine, parce qu'il y a eu une annulation, j'ai été chanceux, donc je vais avoir la voiture un peu plus longtemps, puis après ça, ben, quand je vais toutes les avoir essayées, il y a aussi la Kia Soul qui s'en vient à l'automne, mais là je vais pouvoir vous faire un compte-rendu de celle que j'ai préférée avec les plus, les moins, l'autonomie selon de la manière je la conduis et tout ça, juste pour vous donner une idée. Moi je reste dans la région de Valleyfield et puis j'ai été ramasser la voiture chez Bourgeois Chevrolet qui est à Rawdon. Samuel, que je remercie beaucoup de m'avoir prêté la Spark, sinon j'aurais jamais pu essayer cette voiture-là. Et puis c'est 131 km porte à porte. Et puis je l'ai fait avec la Spark, puis il me restait de l'autonomie quand je suis arrivé chez nous, il me restait à peu près 40 km d'autonomie. Donc la voiture. Samuel me dit qu'il y a une de ses clientes qui en a une qui peut faire à peu près 200 km assez souvent avec la voiture. Donc, c'est une voiture qui a beaucoup d'autonomie puis elle est fun à conduire. Puis, quand on appuie sur le petit bouton sport, là, on a 400 livres pieds de couple pour l'avoir essayé avec un de mes amis. Juste accélérer rapidement, il y a eu un petit sourire dans son visage. Ça voulait tout dire. Donc, c'est une voiture qui est vraiment amusante à conduire. Donc, je vais vous en reparler plus tard. Aussi, si on reste chez GM, GM aurait réservé le nom Bolt. Donc, il y a la Volt qui est du voltage, il y a la Bolt qui serait comme un Bolt, ça serait un Lightning Bolt ou un éclair qu'on pourrait appeler ça. Donc, c'est encore à rapport avec électrique et ces choses-là. On se demande si ce serait pas justement la version moins chère de la Volt qui s'appellerait la Bolt, qui serait, bon, peut-être, on parle 5000 $ moins cher que la Volt, ça serait-tu celle-là? Donc, on va voir. C'est juste le nom. Ils ont réservé le nom. Ils n'ont rien fait d'autre. Est-ce que ça va être présenté, ça aussi, un concept au Salon de Détroit? Pas certain. Mais les compagnies, faut que les compagnies qui veulent sortir des voitures électriques s'activent, puis s'activent présentement. Parce que si on ralentit, puis on dort un peu au gaz, comme on dit, Tesla va sortir son modèle 3 en 2016-2017, et puis tout le monde qui va être à la traîne va manger ses bas ou va vraiment le regretter, parce que d'après moi, Tesla va nous sortir quelque chose de vraiment intéressant. Bon, fait qu'on verra pour ça. Et puis, pour finir, ben Nissan, justement la Nissan Leaf que je conduis cette semaine, Nissan va nous présenter aussi la prochaine Leaf. Là, je sais pas si ça va être présenté au salon de Détroit ou pas, mais Nissan qui dit que les rumeurs disent que la prochaine Nissan Leaf aurait environ 300 km d'autonomie, elle aurait moins l'air d'une voiture électrique, là. Ceux qui ont vu la Nissan Leaf, vous avez remarqué que ça... C'est pas laid, ça ressemble un peu à une Versa, mais bon, plus bombé, un peu plus ballon. Donc, on essaie de peut-être quitter le look différent, puis de la ramener vraiment plus vers une voiture qui va ressembler un peu à ce qui est le restant de la gamme de Nissan. Pour avoir vu quelques photos qui ont l'air des concepts, ça ressemble vraiment à une Versa Note, un peu plus arrondie quand même, un peu plus grosse peut-être. Puis, sauf que ça va être la nouvelle Leaf. Donc, c'est Auto Express en Angleterre qui a sorti cette nouvelle-là. Elle devrait tomber en vente, 2016 ou fin 2016, début 2017, selon les rumeurs. Donc, à peu près dans le même temps que la sortie de la Tesla Model 3. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais c'est tout, comme je disais, toutes les compagnies se lance vraiment de ce côté-là pour des nouvelles technologies. Ça a l'air qu'il y a eu des avancements dans les technologies de batterie et tout ça. Donc, puis, il y a aussi Infiniti qui veut avoir sa version de la Leaf pour offrir une version un peu plus cossue de l'auto. Donc, c'est ça. On va voir ce que ça va donner. On espère... c'est juste bon pour nous. Plus qu'il va y avoir de voitures disponibles, plus que l'autonomie va rallonger sur les voitures électriques, plus ça va intéresser de gens. Moi, pour avoir conduit les 4 dernières semaines dans des voitures électriques puis pas avoir visité de station d'essence, là, j'ai pas du tout détesté ça. Surtout qu'aujourd'hui, vendredi, c'est le vendredi avant un long congé, puis là, on annonce que le prix de l'essence vient d'augmenter un peu partout, donc à 1,45. Et on aime ça jouer avec nos nerfs comme ça en montant le prix de l'essence quand il y a des grands congés. Fait que c'est ça. Peut-être qu'à un moment donné, quand la voiture électrique aura un petit peu plus d'autonomie, là, proche du 300, dépasser le 300, ça va pousser les gens à aller un peu plus vers ça. Puis c'est des voitures qui sont vraiment agréables à conduire. C'est vraiment le fun. Je vous en reparlerai. J'en ai essayé pas mal, puis j'en ai d'autres à essayer aussi. Donc, je vais finir l'émission avec mon essai de la Dodge Dart 2014. Pour ceux qui suivent pas qui suivent pas beaucoup Chrysler ou Dodge, le Dodge Dart remplace ce qui était dans le temps, dans mon jeune temps ou dans mon moyennement jeune temps, la Dodge Neon. Et puis, la Dodge Caliber, qui ressemblait plus à un camion, mais qui n'en était pas un. Ça ressemblait à un multisegment VUS. Ça s'est vendu beaucoup. C'était moyenne qualité. Je connais une couple de personnes qui en ont, qui les ont quand même aimé. Mais bon, c'était plus ou moins fiable et tout ça. Donc, Chrysler qui s'est débarrassé du Caliber pour sortir le Dart. Le Dart est basé sur un modèle Alfa Romeo qui est la Ghietta. C'est bon, depuis le rachat de Chrysler par Fiat, on a présentement, tu sais, des modèles qui sont basés sur des plateformes qui appartiennent à Fiat, donc Alfa Romeo en est une. Et puis, il nous présente un nouveau produit avec ça. Donc, le design, moi, je trouve le design très beau. Le modèle que j'avais était orange, vraiment orange pétant, l'ensemble blacktop. L'ensemble blacktop, ce que ça fait, c'est qu'on noircit des composantes. Donc, la calandre avant était complètement noircie, les jantes étaient noircies, les miroirs étaient noirs au lieu d'être couleur carrosserie. Ça ressort, ça donne vraiment un beau look, ça donne un look plus agressif à la voiture. Les lumières, bon, c'est des phares halogènes avec des phares anti-brouillard sur les modèles un peu plus haut de gamme. Les freins à disque aux 4 roues, au moins on a laissé tomber les tambours. Il y a plusieurs différences pour les roues, là. Si vous avez le modèle SE de base, vous allez avoir des roues en acier avec des enjoliveurs qu'on appelle communément des caps de roues. Si vous prenez des versions un peu plus élevées, vous allez avoir des jantes de 17 pouces. Ou des jantes de 18 pouces. Là. Moi, sur mon modèle Blacktop, j'avais des jantes noires de 18 pouces. C'était vraiment magnifique. Ça donnait vraiment un beau look à la voiture. Puis orange comme ça, ça attirait les regards aussi. Puis elle a vraiment un look sport. C'est vraiment un peu la Néon. C'était pas une voiture qui était LED. La Caliber, c'était une boîte carrée. Là. Mais on reprend un peu le look sport qu'on avait, tu sais, peut-être dans la Néon et tout ça. Donc, c'est vrai, ça fait vraiment une voiture qui est vraiment très jolie. Si on regarde bon l'intérieur, on a encore des plastiques durs, mais c'est beaucoup amélioré. Ça s'est beaucoup amélioré depuis les derniers produits. Chrysler travaille fort pour améliorer leur intérieur présentement parce que c'était un gros point négatif des anciens produits. C'était du plastique dur. C'était vraiment pas jojo. Puis ça craquette partout. Donc ça, c'est parti. On a encore des plastiques durs à certains endroits parce qu'on n'a pas le choix si on veut baisser un peu les coûts de la voiture. Mais côté la beauté, tout ça, c'est vraiment très bien. L'intérieur, bon, moi j'avais des sièges en tissu, il y a des sièges en cuir chauffant disponibles. Moi j'avais les sièges rallye, donc tissu avec deux petites lignes blanches dedans. Volant ajustable hauteur télescopique. Dégagement pour la tête était très bien. Le système Uconnect de Chrysler dans le modèle que j'avais, c'est très bien. C'est un des bons systèmes de divertissement, le Uconnect. Si vous cherchez de la technologie, tout ça, dans les produits Chrysler, le Uconnect est vraiment très bien. Le volant, j'adore ce volant-là. Les boutons sont bien placés. Les boutons pour le volume, puis changer de poste de radio, là, derrière le volant, juste où les doigts tombent, je trouve ça vraiment très bien. Bon, on a des prises USB auxiliaires. On peut faire du Bluetooth. On a la navigation. Bon, ça, c'est tout en option. Là, ça dépend du modèle que vous allez prendre. Motorisation, il y a trois moteurs disponibles. Il y a un 4 cylindres de 2 litres qui produit 160 chevaux, qui est le moteur de base. Il y a un moteur aussi, un 4 cylindres de 1.4 litres turbo-compressé qui donne 160 chevaux, mais 184 livres-pieds de couple, à comparer du moteur de base qui donne 148 livres-pieds de couple, un petit peu plus de oomph, un petit peu plus de puissance. Puis on a le moteur qui est, bon, l'ultime, là, qui est un 4 cylindres de 2.4 litres qui produit 184 chevaux puis 171 livres-pieds de couple. Bon, toutes les versions, sauf si vous achetez le modèle Limited, sont livrées avec une transmission manuelle à 6 rapports de série. Puis une transmission automatique est disponible à 6 rapports aussi disponible en option, sauf le modèle Limited qui vient avec la transmission automatique dès que vous la commandez. Comportement routier, la voiture, je veux dire, c'est amusant à conduire, ça se comporte très bien, ça porte pas trop dur. C'est une petite voiture qui a un comportement sportif, donc oui, la suspension est peut-être un peu plus sèche que dans une grosse berline où on a l'impression d'être sur des ballons. Donc on a le comportement sportif, la direction est précise et tout ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Dodge a fait le travail. Moi, c'est juste dans le modèle que j'ai eu, j'avais le 4 cylindres de 2.4 litres qui donne 184 chevaux, puis j'ai eu l'impression que le moteur était sous-puissant. Pourtant, c'est pas le cas, mais j'avais l'impression que même si j'écrasais l'accélérateur, il se passait rien. Mais un coup qu'on est parti, mettons sur l'autoroute, on veut faire des dépassements, la voiture est vraiment super dynamique, mais de 0 à 100, on dirait qu'il manquait quelque chose. Donc, je sais pas si c'est la transmission, parce qu'on essaie beaucoup de sauver sur l'essence, donc c'est peut-être la transmission qui causait le problème. Je sais pas, je suis pas certain, mais peut-être une transmission manuelle aurait été différente, là. Mais bon, c'est quand même une voiture qui est accomplie. Si vous l'aimez, si c'est un look qui vous attire, il n'y a aucun problème, là. Vous vous sentirez pas mal d'avoir acheté cette voiture-là. Consommation d'essence, bon, là, ça dépend des moteurs. Pour le moteur 2 litres de base, donc la consommation, c'est de 8.6 litres au 100 km en ville, 5.8 litres au 100 km sur route avec la transmission automatique, 8.1 litres au 100 km en ville, 5.4 litres au 100 km sur route avec la boîte manuelle. Si on regarde celle équipée du moteur de 1.4 litres turbo-compressé, le 2 litres que je vous parlais, c'est pas turbo-compressé. Là, on parle de 7.2 litres au 100 km en ville, 4.9 litres au 100 km sur route avec la transmission automatique, puis de 7.3 litres au 100 km en ville, 4.8 litres au 100 km sur route avec la manuelle. Pour celle que moi, j'avais pour mon essai, qui est le moteur 2.4 litres, j'avais consommation de 8.8 litres au 100 km en ville, 5.6 litres au 100 km sur route avec la automatique, ce que j'avais aussi. Puis la boîte manuelle sont de 9.1 litres au 100 km en ville, 5.6 litres au 100 km sur route. Ça ressemble beaucoup à ce qui se fait avec la transmission automatique, mais vous regarderez là, présentement, là, les transmissions automatiques sont beaucoup plus économes d'essence que les transmissions manuelles. Ils font tellement un bon travail maintenant que on n'achète plus une transmission manuelle pour économiser sur l'essence. Les transmissions automatiques font un bon boulot. Bon, pour moi, mon économie d'essence pendant ma semaine d'essai, ça a été 8 litres aux 100 km combiné. Donc, c'est bien. Ça aurait pu être un peu mieux, j'imagine. Bon, c'est-tu les conditions routières, la manière que je la conduisais et tout ça. Mais 8 litres aux 100 km, c'est pas terrible. C'est pas bon. C'est quand même dans les normes pour le type de voiture. Donc, c'est correct. Donc, si c'est une voiture qui vous intéresse, moi, je vous dis, vous pouvez y aller. C'est sûr que la compétition est forte, le Mazda 3, le Honda Civic et choses comme ça, dans cette catégorie-là, Nissan Sentra. Mais c'est une voiture qui a un look un peu différent. Ça sort du moule. Il n'y en a pas des tonnes sur la route. Je me suis fait faire un pouce en l'air, un thumbs up par quelqu'un qui conduisait une Dart, j'imagine, de base rouge. Quand il a vu l'orange avec le blacktop, il a l'air d'avoir aimé. Il m'a fait un beau petit pouce en l'air. Puis je l'ai salué, peut-être en retard. Je pense pas qu'il m'a vu. Mais on verra. Mais c'est une bonne voiture. Donc, je pense que c'est un bon produit. C'est juste peut-être que Chrysler va avoir à travailler fort un peu pour pouvoir le vendre à cause justement que la compétition est vraiment forte. Puis, il y a des rumeurs encore, parce que ce qui dit Dodge Neon ou Chrysler Neon ou Dodge Caliber dit modèle SRT4. SRT4 qui est le modèle de performance, donc turbo compressé avec plus de punch. Là, on parle de 200 chevaux et plus. Il y a une rumeur que ça s'en viendrait dans un avenir plus ou moins rapproché, mais ça serait un petit modèle de performance, puis ça mettrait peut-être un peu de projecteur sur ce modèle-là, ayant un modèle un peu plus punché là, qui pourrait aller jouer avec, tu sais, c'est sûr que c'est pas nécessairement le même produit, mais tu sais, les Golf GTI, qui est une voiture qui est pratique puis qui est aussi amusante à conduire, peut-être les Civic SI, où c'est plus dans sa catégorie, là, la Golf GTI, c'est plus un hatchback, donc c'est vraiment un peu différent. Mais tu sais, la Civic SI, la Mazda 3 Sport, qui a des rumeurs qu'il va avoir une nouvelle Mazda 3 Sport aussi, bien, pas Mazda 3 Sport, la Mazda 3 Speed, donc modèle turbo-compressé de performance, tu sais, dans ces catégories-là un peu, ça pourrait être intéressant. Donc, Dodge Dart, moi, je l'ai trouvé bien, bien, bien correct. C'est quand même amusant à conduire. C'est pas une méchante voiture. Laissez-vous pas berner par le fait que ça a remplacé le Caliber, qui était une voiture, on va se le dire, ordinaire, mais qui a quand même rendu de fiers services chez Chrysler. Ça, c'est bien vendu. Il y en a encore beaucoup sur la route. C'est totalement différent. C'est un produit qui est mieux fini. Puis, bon, c'est ça. Il y a aussi l'échappement. Là, ce qui est bien pour l'échappement, c'est que si vous prenez des modèles un peu plus évolués, ça vient qu'un échappement double. Ça donne un beau look aussi. Celui que j'avais avait un échappement double aussi. Les feux arrière sont jolis aussi. Donc, c'est une voiture qui a un beau look, là. C'est un 4 places, c'est un 5 places, un 4 portes. L'espace arrière est quand même très bien pour asseoir des adultes ou des enfants. Là. On est confortable. C'est une bonne petite voiture. Donc là-dessus, je vais finir mon émission solo. J'espère que vous avez quand même apprécié, même si j'ai jasé tout seul pendant cette petite demi-heure. Si vous voulez nous rejoindre, ben moi sur Twitter, c'est @Ascalazormo. Il y a aussi le compte du podcast auto qui est @podcastauto. On a notre site qui est podcastauto.ca. Il y a une page Facebook du podcast auto. Si vous voulez rejoindre mes amis, il y a Martin Sagala sur Twitter, c'est Martin Sagala. Il y a aussi Jean-François Beaulieu qui est à JFLIEU que vous pouvez rejoindre. Donc, si vous voulez les rejoindre ou ça, ou si vous voulez nous écrire, on a une adresse courriel qui est lepodcastauto@gmail.com. Donc là-dessus, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, on vous revient la semaine prochaine avec l'équipe normale. Puis, on devra avoir Simon-Pierre Rioux qui va venir nous parler de voitures électriques. Là, on va parler un peu plus des nouvelles que je vous ai annoncées aujourd'hui, puis peut-être aussi de d'autres choses plus intéressantes. Donc là-dessus, je vous dis merci beaucoup, puis je vous dis à la prochaine. Bye!